Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 5, colonne 1. Sherbrooke, PQ. Les abonnés du courrier de Worcester, au Canada, qui ont payé leur abonnement à l'avance à ce dernier journal, recevront désormais le Progrès de l'Est jusqu'à l'expiration de leur abonnement. Les nouveaux abonnés sont priés de payer un an d'avance. C'est la condition sine qua non si on veut recevoir notre journal. L'administration et la rédaction ne peuvent rien faire de nihil ou nihil. Nos confrères de la province de Québec, du Canada tout entier et des États-Unis sont priés d'échanger avec le Progrès de l'Est. Nous apprenons avec plaisir que notre violoniste distingué, M. Terrien, doit organiser un concert prochainement. Lundi, vers 2h de l'après-midi, M. le Dr Tremblay allait prendre le train à la station de Sherbrooke pour s'en retourner chez lui à Windsor Mills, lorsqu'il buta contre la prise d'eau qui se trouve sur le bord de la voie et roula le long des roues des wagons. Heureusement, il ne fit que raser les rails et en fut quitte pour de légères contusions. Il l'a échappé belle, le docteur Tremblay, et il a dû réellement trembler de peur. Le même jour, un peu plus tard, une femme de Huntingville, qui traversait la voie de Waterloo et Magog, à la sortie de la rue Wellington, sur la route de Lennoxville, a été renversée par la locomotive qui descendait la côte. Elle a été assez grièvement blessée au bras. Encore dans la même journée, un homme marié a été tué dans la mine Albert, à Capleton, et un jeune homme a été dangereusement blessé. À plus tard, les détails s'il y a lieu. Dimanche dernier, il y avait fête de gala au Cercle agricole de Sherbrooke. On devait distribuer des prix aux plus méritants. Il y avait trois sections parmi les lauréats. D'après le rapport des commissaires examinateurs, messieurs M. E. Stenson et E. Noël, le premier prix d'agriculture a été mérité par M. Joseph Allard d'Ascot, président du cercle, le second par M. N. Bourque, le premier prix d'horticulture par M. G. Weckmann, le second par M. N. Bourque. M. Allard a encore remporté le premier prix d'industrie domestique et M. H. C. Cabana le second. Ce prix consiste en travaux de tissage et de tricotage, de tapisserie, etc. En un mot, tout ce qui se fabrique par les mains de nos bonnes fermières pour l'usage de la maison. Les prix consistaient en montres d'argent, photographies et chromos. Les donateurs étaient messieurs le baron de Pic, G. Weckmann et Léon Stillman. Il y a eu 4 ou 5 prix dans chaque branche, mais nous ne pouvons apporter que les premiers. M. Louis Bessignol, récemment arrivé de France, serait, dit-on, sur le point d'ouvrir à Sherbrooke une maison pour le commerce en gros des vins français. C'est une branche de commerce qui réussira et qui fera même du bien au pays en vulgarisant par des prix accessibles à toutes les bourses l'usage du vin dont l'action n'est pas délétère comme celle du whisky et du brandy. M. Bessignol serait le représentant d'une compagnie possédant de nombreux capitaux. Un jeune homme d'une très bonne famille d'Angers, France, arrivera bientôt à notre ville pour s'occuper, dit-on, de journalisme. Sherbrooke serait-il doté d'un troisième journal français? Nous devinons quelque chose d'intéressant que nous dévoilerons en son temps. Que diraient nos lecteurs s'ils voyaient paraître dans nos colonnes des phrases ainsi conçues? Le comte de Chambord et ses républicains font encore des leurs. Et celle-ci, le gentleman accompli, le comte de Chambord, qui mène l'insurrection des communards. Sans doute, il s'écrierait que l'individu qui écrit de semblables balourdises ne sait pas un mot d'histoire et qu'il est incompréhensible qu'un ignorant de cette sorte s'obstine à tenir une plume. Eh bien, lisez le numéro du Pionnier de la dernière semaine de juillet et celui du 16 courant, vous y verrez deux phrases semblables en parlant de Parnell, le grand défenseur de l'Irlande opprimée. Il est dit « Parnell et ses fainéants », puis « le gentleman accompli qui mène l'agitation fainéante ». Quelle science historique chez notre confrère. La retraite ecclésiastique pour les prêtres du diocèse de Sherbrooke a commencé lundi dernier. Présidée par sa grandeur, Mgr Racine, cette retraite est prêchée par un rédemptoriste. Dimanche dernier, on a célébré à la cathédrale la grande solennité de l'Assomption de la Sainte Vierge. À Vêpres, le révérend père qui prêche la retraite dans un magnifique langage a raconté les grandeurs de la Reine des Cieux. Dimanche dernier, à la grand-messe, M. le grand vicaire a lu une lettre circulaire de Mgr Racine interdisant aux étudiants catholiques tout rapport avec l'école de médecine et de chirurgie de Montréal et avec toute école de droit protestante. Toute la jeunesse qui voudra se lancer dans les professions libérales devra prendre ses grades dans l'Université Laval à Québec ou dans sa succursale à Montréal. Nos lecteurs de Sherbrooke doivent s'empresser d'acheter des lots de famille dans le nouveau cimetière. Pour ceux qui ont rempli les conditions prescrites par le comité, ces lots ne coûteront que 15 $ jusqu'au 1er janvier 1884. Après cette date, il faudra donner 20 $. La rentrée des classes chez les révérends frères du Sacré-Cœur aura lieu le lundi 3 septembre, ainsi qu'au séminaire Saint-Charles-Borromée et au couvent de la Congrégation Notre-Dame. Les écoles protestantes de notre ville seront aussi ouvertes le premier lundi de septembre. L'Académie des garçons sera, comme par le passé, sous la direction intelligente du savant M. C. W. Larkin. À l'Académie des demoiselles, Mlle Geraghty sera remplacée par Mlle K. Wilson. Cette demoiselle arrive de Montréal, précédée d'une excellente réputation comme institutrice. L'exposition agricole de Sherbrooke aura lieu à Lennoxville le 25 septembre prochain. M. E. H. Long a pris la succession de Messieurs Connor and Perry, Marbrier, rue Wellington. Les ouvriers de M. Beckett construisent en ce moment un beau trottoir de briques sur le côté de la rue Wellington. M. le colonel King et M. R. N. Hall, MP, seront partis vendredi dernier pour l'Angleterre. Nous leur souhaitons bon voyage. Près de 500 personnes assistaient mercredi de la semaine dernière au pique-nique annuel de la Société Saint-Patrice sur la magnifique propriété de M. Mulvina dans Sherbrooke-Est. Les jeux et les riz ont présidé à cette fête patriotique et fraternelle. Lundi dernier, dans la matinée, la première locomotive a fait son apparition sur la ligne du Waterloo et Magog. L'ascension de cette lourde machine s'est opérée avec facilité par la prairie appartenant à la compagnie anglo-américaine. La petite ville de Quaticook progresse chaque jour. On vient d'inaugurer un marché qui a eu plein succès et bientôt les catholiques de cette ville pourront prier dans leur nouvelle église. Notre ancien concitoyen, M. le juge Doherty, vient de décider, à Montréal, que la corporation a le droit de passer un règlement pour empêcher la fumée des manufactures dans les limites de la ville. Dimanche dernier, un jeune homme nommé Burns, âgé d'environ 20 ans, et demeurant près de Magog, s'est noyé au-dessus de la scierie de Brompton en se baignant. Un de ses camarades, E. Reese, est parvenu à s'échapper. Monsieur le grand vicaire, A. E. Dufresne, de Sherbrooke, est allé visiter Saint-Edwidge de Clifton pour choisir l'emplacement d'une église. La majorité des paroissiens est en dissidence sur le lieu choisi. À l'assemblée de lundi soir, on a commencé la révision des rôles d'évaluation. Il y a peu de changements. Le conseil a continué cette besogne mercredi soir en présence des estimateurs. Après les affaires de routine, la demande des syndics du nouveau cimetière a été prise en considération. Il s'ensuivit une discussion amicale au cours de laquelle les conseillers catholiques établirent la justice de leurs prétentions d'une manière tellement péremptoire que leurs collègues n'eurent pas de peine à se laisser convaincre. la demande d'homologation de la nouvelle rue conduisant au cimetière, sous le nom de rue Saint-Michel, et aussi d'un octroi de $300 pour défrayer les dépenses déjà faites par les syndics, a été votée d'emblée. La population catholique de cette ville sera agréée à nos édiles de cette démarche importante. Notre paroisse peut maintenant se féliciter d'avoir en perspective le plus beau cimetière de nos cantons. Le conseil de ville nous a rendu justice, c'est un bon point à ajouter à l'entente cordiale qui existe au sein de notre communauté. Conseil des arts et manufactures de la province de Québec. Une assemblée du Conseil des arts et manufactures de la province de Québec a été tenue mardi dernier, 21 courant, à 10h du matin, dans la chambre du Conseil, à l'hôtel de ville de la cité de Sherbrooke. Étaient présents M. l'abbé O. Audette de Bergeville, M. M. A. G. Lomas, maire de Sherbrooke, l'évêque W. J. E. Queen, G. Boivin de Montréal, C. Duquette, J. F. Ritchie de Québec et S. C. Stevenson, secrétaire. On donna lecture des lettres dans lesquelles M. le président et M. le vice-président regrettaient de ne pouvoir assister à cette assemblée, après quoi M. A. G. Lomas fut appelé à occuper le fauteuil. Le comité nommé à la dernière assemblée pour consulter le gouvernement sur la répartition de la qualification pour l'éducation industrielle fut prié de continuer ses travaux. Le secrétaire distribua des copies en français et en anglais sur l'éducation technique et le dessin industriel dans les écoles publiques. Dans leur discussion, ces messieurs ont émis le vœu que la ville de Sherbrooke fît son possible pour augmenter le nombre des élèves à l'école de dessin dans les soirées d'hiver et ont prié M. le maire Lomas de choisir un comité résident pour s'occuper de la direction de cette école ainsi que des professeurs capables. Un comité fut nommé pour visiter des produits étrangers à l'exposition de Boston, un autre pour s'entendre avec le Conseil d'agriculture au sujet de la direction actuelle des expositions provinciales. Après l'expédition de plusieurs autres affaires, le Conseil des arts et manufactures a voté des remerciements à M. le maire pour les services rendus pendant sa présidence temporaire. M. Lomas a fait ensuite les honneurs de la ville à ses hôtes. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2012 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.